la physique. Quand j'en bats, c'est triste. Je sais de voir l'enjouissance aux abords de l'apocalypse. Car t'es un fils, tu es né, tu vis pour la santé et la prospérité de l'élite, de l'humanité. Ceux qui savent ce qui se passe là-haut, ceux qui sont là-haut, amis dissidents de l'avenir du monde, l'ami. Tristesse et déchéance pour cet environnement sacrifié. Car t'es un et tristesse et déchéance pour les fragiles de la population opprimée. Tristesse et déchéance, toutes ces guerres économiques. Tristesse et déchéance, ces sourires stratégiques. Tristesse et déchéance, c'est les derniers jours. Tristesse et déchéance, et les derniers jours sur terre, ils ont tout fait pour la vie et la vie. Pour qu'une bonne église en profite, et les derniers jours sur terre, ils étaient bien pour les faire payer. Les derniers jours sur terre, ça nous prend jusqu'au terme. Et les derniers jours sur terre, ils ont tout fait pour la vie et la vie. Pour qu'une bonne église en profite, et les derniers jours sur terre, on était bien pour les faire payer. Les derniers jours sur terre, ça nous prend jusqu'au terme. Avant les derniers jours, rien n'était leur autorité. Sans faire de détente, on retour dans l'illégalité. L'illégalité, d'un parcours dans la précarité. Bouge le mot tabou, faire un secours popularisé. Je peux pas canaliser ma haine pour ce système obscène. Obsédé par des profits, vers vos extrêmes. Notre amuse à soi, mal et repris, va divers faits. Belle et si bien fait, voilà la nature de l'armée. Cette peinture désobéir et dévaster. Éradiquer des espèces de la terre sans y penser. Ruer toutes les mers et les serres de leurs déchets. Chuter tout un peu un point de poigne d'enculé. C'est dingue, un nouvel mode, mec, l'écologie de business. Au fait, les plus fric et ça donne sans peine. Les laisse rouler des terres et libertaires. Faire briller ses poitards, bien claquer les savards. Dans nos jours sur terre, tout fait pour la pluie et la vider. Pour qu'une poignée puisse en profiter. Dans nos jours sur terre, et les terres